les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Pour nos visiteurs, c'est le dernier moment, cela finit en beauté la journée de visite, il l'emporte avec lui. Et pour nous, c'est la dernière belle impression que nous lui donnons. C'est joli, la tête dans les étoiles. Merci Dominique Hummel. Pour plonger dans l'univers fascinant et surprenant du Futuroscope, retrouvez toutes les infos sur futuroscope.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je crois qu'on est mal embarqué là. Avec Lidl, tu pousses pas un peu, non ? Pas du tout. Aujourd'hui et demain, la barquette de mélange de jeunes pousses de salade est à 89 centimes. Des jeunes pousses à 89 centimes, la barquette chez Lidl ? Tout ça, c'est des salades. Oh, de jeunes pousses, oui. Et origine France en plus, à 89 centimes. On met les pousses là, non ? Oh, tu me pousses à bout, oui. On est mal, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. La barquette de 125 grammes, 7,12 € le kilo. Catégorie 1, origine France. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Ciel ! Mon mari ! Vite ! Cache-toi dans ce placard ! Derrière mes nouvelles portes pliantes, KZ ! Oui, elles sont nouvelles, nouveau design, nouveau coloris. En plus, elles sont faciles à changer. À tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur KZ.fr. KZ, les placards de K à Z. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Salut ! Aujourd'hui, comment prendre soin de ta Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone ? Alors c'est super simple, tu vas sur internet et tu tapes l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Sélectionne le point de vente le plus proche de chez toi, clique sur la date et l'horaire qui t'arrange et tu valides ton choix. Prenez rendez-vous ou faites réaliser un devis pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Propriétaire, professionnel de l'immobilier, confiez à Diagamter vos diagnostics avant la location ou la vente de votre bien. Diagamter, le réseau national de diagnostiqueurs immobiliers certifiés sur diagamter.com. Diagamter, irréprochable pour votre bien. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Quelle est votre voiture idéale ? Il faut qu'elle ait des jantes qui claquent sa mère. Et vous ? Qu'elle soit connectée, tactile et avec le Bluetooth. Hashtag trop cool. L'hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris dynamique suréquipée est à partir de 139 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris dynamique 5 portes 69 VVTi en location longue durée 37 mois 45 000 km, premier loyer 1 750 €, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Vous nous avez remis Vanda la folle là. Alors pour gagner sans cesse les 116 chansons. Ah bah oui. Ah bon, avec groupe, excusez-moi madame. Oui. Les 116 chansons sélectionnées par George Lang dans Beach Party volume 2, il va les répondre à cette question. Ce coffret Beach Party célèbre-t-il une décennie, la décennie musicale des années 60 ou 70 ? Anthony, répondez-nous. Les années 60 évidemment. Quel suspense. Voilà, on va remettre cette bonne Vanda dans son petit coffret puisque vous l'avez gagné au 32-10. Et maintenant on va accueillir notre ami Julien Courbet. Bonjour Julien. Bonjour. Je ne sais pas si Anthony est au courant. Enfin, tout qu'est-ce le monde connaît, je suppose, chez vous le groupe Village People. Oui. Hein, vous vous rappelez les lettres quand on dansait, on faisait le Y, le M, le C, le A. YMCA, oui. Eh bien, ils l'ont ressorti avec de nouvelles lettres pour l'euro. E-U-R-O ? Non, mais attendez, ne me dites pas allez-y comme si j'allais faire une blague. Je suis en train de vous balancer un scoop et ça ne vous intéresse pas. Mais vous voyez, donc je suppose que vous voulez l'écouter. Tout oui. Bon, ben non, mais c'est vrai en plus, c'est Village People version euro. Ils ont bloqué l'euro, la CGT. Ils ont bloqué l'euro, la CGT. Les trains qui n'avancent plus, les poubelles dans les rues, c'est le grand bordel. Ils ont bloqué l'euro, la CGT. Ils ont bloqué l'euro, la CGT. Et si la France gagne pas, et qu'en plus y a des rats, ça va être la fête. Merci. continue. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, bravo, bravo. Alors, je ne sais pas, c'est Martinez fait l'Indien ou le. Bah oui. Ou le gars avec le marteau sur le côté, parce que je n'ai pas bien compris. Pouchol était le motard. Mais comment vous faites le G? Comment vous faites le G? C'est dur. Le G, vous savez, les hommes ont passé leur vie à chercher le G. Donc, c'est pas ce matin que j'ai trouvé. L'attendais. Et ils l'ont rarement trouvé. Allez, passez une bonne journée. Bonne émission. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, on y va, c'est parti. L'équipe a joué le jeu. C'est un jour d'euro aujourd'hui, ce qui ne nous empêchera pas, bien sûr, de régler vos cas. Mais nous allons le faire en pensant aux Bleus, en les supportant à tout le groupe de Didier Deschamps. Alors, il va y avoir plein de cas, vous allez le voir. Vous nous appelez au 3210, quel que soit votre problème. Et c'est le dernier jour, écoutez-moi bien, le dernier jour pour gagner ce téléviseur de 165 cm de diamètre, en diagonale hein, par contre, pas de diamètre, il est pas rond en fait, pour être tout à fait honnête, il est plat, c'est 165 cm en diagonale pour le gagner. C'est très simple, tout de suite, 3210, touche numéro 2, et ensuite vous répondez à la question du jour. Comment s'appelle le ballon officiel de l'Euro 2016? Beau jeu, tapez 1, pied carré, tapez 2. Donc je vous conseille de faire 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, puis 1 pour gagner le téléviseur, ou alors SMS RTL au 74 900. C'est le dernier Super Samsung, le roi des téléviseurs, à gagner ce matin. Bonne chance. Il y a Maître Fellono, il y a Blanche de Grandvilliers, Hervé Pouchol et toutes les équipes d'Alain Hazard. Alain Hazard, qui, je vous le rappelle, est un homme venu du football, un grand journaliste, ah oui, qui nous fera un point euro chaque matin. Et on verra si ses prédictions sont les bonnes le lendemain. C'est-à-dire qu'il se mouillera et nous donnera ce soir composition des équipes de l'équipe de France, homme du match et score. Et puis lundi matin, on en reparlera. Nous avons Stéphanie qui nous a laissé un message. Stéphanie nous a laissé un message sur le répondeur RTL. Je paye pour la pose d'une fenêtre 2 408 €. Cette fenêtre arrive, elle n'est pas aux bonnes dimensions. La grande surface doit soi-disant en recommander une autre, mais me ramène la même fenêtre. Cette grande surface est condamnée à me rembourser, mais cela fait des mois qu'elle ne réagit pas. Stéphanie s'est dit, un jour d'euro, il est content. Parlons-lui de fenêtre. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous? Bonjour. Ça va, Stéphanie? Vous nous appelez d'où? D'à côté d'Arras, en Pouf. Bon, est-ce que vous êtes avec les Bleus ce soir, Stéphanie? Mon mari, plutôt. Oui, vous, moi. Vous êtes plutôt... Déjà, vous êtes enceinte? Non, c'était en 2014 que vous l'étiez. Non, eh oui. En octobre. Oui, là, maintenant, j'ai les deux enfants, oui. Vous en avez eu deux d'un coup? Non, j'ai eu le premier un an avant. Et donc là, on préparait joyeusement à ce moment-là à l'arrivée de ma deuxième. Et donc, on lui faisait sa chambre avec une nouvelle fenêtre. Et vous avez signé un devis dans la grande surface de bricolage pour l'achat et la pose. Et au final, cette histoire de fenêtre va devenir une histoire sans fin, puisque la livraison prend du retard. La fenêtre n'est livrée qu'en février 2015, mais elle n'est pas aux bonnes dimensions. Le magasin recommande donc une nouvelle fenêtre. Et vous n'avez toujours aucune nouvelle. Vous recontactez le magasin. Et finalement, un poseur revient toujours avec la même fenêtre. Il y tient. J'ai l'impression qu'il y a une histoire entre ce poseur et cette fenêtre. Il ne veut pas la changer. Ça doit être une bonne fenêtre. Donc, vous la refusez en lui disant « ce n'est pas la bonne fenêtre ». Et vous demandez le remboursement, qui ne vient pas. Vous entamez une procédure judiciaire. Et c'est bien ça, Stéphanie, parce que souvent, certains baissent les bras. Vous avez dit « je vais aller jusqu'au bout ». Vous gagnez. Elle a été condamnée à quoi? Quelle avocate me le dit? Elle a été condamné à 2 000 €, donc le prix de la fenêtre, plus, Julien, 350 € dommages-intérêts, donc faut pas hésiter à... Que lui doit une grande surface? Eh bien, elle ne paie pas la grande surface, on est d'accord, Stéphanie? Oui, elle ne paie pas. En plus, elle a des frais qui ont été aussi un frais d'intérêt auto-légal par rapport au retard depuis septembre 2015 qu'elle n'a pas payé, qu'elle n'a pas remboursé. On va les appeler, mais Maître Fellono, si le jugement est prononcé, je dis n'importe quoi, le 1er janvier 2016, celui qui me doit des sous a combien de temps pour payer? Mais c'est... Il doit payer tout de suite, puisque c'est exécutoire, même si l'on fait un pourvoi en cassation. Elle a été signifiée, cette décision, donc il doit payer tout de suite, sinon après ce sont des intérêts de retard qui majoré qui court. Mais je trouve que l'attitude du magasin est odieuse à mains égards, puisque dès le devant le conciliateur, ils se sont engagés à régulariser la situation dans les 15 jours. C'était en octobre 2015, on n'a rien vu venir. À l'audience, on ne voit rien venir. Et après le jugement, on ne voit toujours rien venir. Alors, Anne Masseran, ça suffit maintenant. Nous allons les appeler, c'est une grande surface. Alors, dans votre malheur, Stéphanie, je pense qu'il y a un problème de communication, parce que c'est quand même une marque qui a plus que pignon sur rue. C'est peut-être une des plus grandes marques de bricolage. bricolage, donc je ne vois pas pourquoi ils ne règlent pas ce problème. À mon avis, c'est pas remonté au bon service. Donc nous allons faire en sorte d'accélérer la manœuvre. Je ne peux pas croire une seconde qu'une grande enseigne comme ça, qui perd un procès, ne paie pas le client. Après l'avoir mis en plus dans la panade. Donc nous les appelons dans une seconde. Vous me laissez préparer le numéro et j'invite tous ceux qui nous appellent au 3210. Maintenant, bien le faire justement pour pouvoir passer dans l'émission, quel que soit votre souci. Sachant qu'aujourd'hui, les trois lettres RTL sont bleues. Notre cœur est bleu. Les yeux de Blanche Grandvilliers sont bleus. Tout est bleu car ce soir, la France entre en piste contre la Roumanie. Et on en a bien besoin dans le pays d'avoir des bonnes nouvelles, d'avoir cette ferveur populaire. Alors à toi Didier et aux joueurs que tu vas choisir, on est avec toi tout de suite sur RTL. Bonjour, c'est Vincent Perrault. Je vous donne rendez-vous dimanche en direct de Lille. Stop ou encore ? Dès 10h, rejoignez toute l'équipe du Stop ou encore au marché de Oisem, élu marché préféré des Français 2016 avec Saint-Moré. Le Saint-Moré. Je viens d'avoir 40 ans, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Je me suis même fait percer. Où ça ? Ah non, je te le dis pas. Et je fais du kickboxing. Non, parce que l'aquagym... Ah ouais ! La Ford Fiesta aussi a 40 ans, et elle se lâche. Jusqu'au 30 juin, la Ford Fiesta édition 5 portes EcoBoost 100 chevaux, avec air conditionné, audio sync Bluetooth et navigation, est à 149 € par mois. Venez l'essayer en concession et tentez de la gagner. LOA avec premier loyer de 1990 €, puis 47 loyers de 149 € par mois, coût total si achat 14 494 €. Réservé aux particuliers si acceptation par Ford Crédit. Offre et règlement sur Ford.fr. Douleurs articulaires ou musculaires, mal de dos, mal de genoux. Vite, le roller pur essentiel articulation et muscles est le geste antidouleur qui agit par massage express grâce à sa bille massante. Son efficacité apaisante naturelle, rapide et durable est garantie. Ah. Pur essentiel roller articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, le filet se resserre. Sur Lidl, c'est ça ? Sur nous, patron. Les pommes de terre, le filet de 2,5 kg, bah chez Lidl, aujourd'hui et demain, ils le font à 1,99 euros. Moins de 2 euros le filet de 2,5 kg. Oui, et origine France, patron. 80 centimes le kilo de pommes de terre. Ça vaut le coup, non ? Ah, le coup de grâce, oui. Ah, on est mal. Hein. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pommes de terre de consommation, catégorie 1, calibre 40-70, variété Agatha ou Gioconda selon magasin, origine France. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça, hier Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Vous manquez de lumière et d'espace ? La solution, c'est une véranda rideau. Une pièce en plus qui vous ressemble, conçue avec qualité pour répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins. Et en ce moment, Stéphane, Véranda Rideau, le leader de la véranda en France, offre 150 € tous les 1 000 € d'achat. Modalité en espace conseil et sur verandarideau.com. Allez hop hop hop, touche chez Véranda Rideau. 194 € par mois, offre valable pour une Seat Leon référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que... La Seat Leon référence à partir de 194 € par mois, à ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2 700 € suivi de 36 loyers de 194 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur seat.fr. Venez en profiter ce week-end lors des portes ouvertes chez votre partenaire Seat. Ouverture selon autorisation. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. C'est parti, nous appelons pour Stéphanie. Stéphanie qui a acheté donc des fenêtres dans une grande surface. C'est jamais la bonne fenêtre. Au bout d'un moment, elle dit remboursez-moi. On ne lui rembourse pas. Elle attaque. Elle ne se laisse pas faire. Elle ne se dit pas je suis le pot de terre contre le pot de fer. Elle gagne, mais par contre, la grande surface ne paie pas. Alors, elle pourrait très bien envoyer un huissier. Hein, parce que quand on a une enseigne comme ça en face, c'est du pain béni. L'huissier est sûr de prendre quelque chose. Il n'a qu'à aller à la caisse. Il ouvre le tiroir. Il prend quelques bifetons, il dit tenez madame. Non mais c'est vrai, c'est ça peut se passer comme c'est, ça. Ah, c'est très facile. Il peut. Il a le droit d'aller dans la caisse. Quasiment, puisqu'il demande. Il y a un fichier qui s'appelle Ficoba. Il a tous les comptes bancaires de l'enseigne. Alors, est-ce que quelqu'un répond ? Parce qu'on a beaucoup parlé, c'est vrai, pendant que je cette dame... Je vous mets en relation avec les équipes de votre magasin. Oh, parfait. Donc, nous allons être mis en communication avec les équipes du magasin d'Arras. Vous allez être mis en relation avec votre magasin. Ton univers. Des questions sur le prix ou la disponibilité d'un produit ? L'état d'avancement. Quand une fenêtre n'est pas livrée, elle n'est pas remboursée, on est obligé d'attaquer. Rendez-vous sur leroymerlin.fr. Est-ce que c'est long habituellement, Stéphanie, ou est-ce que j'ai le temps peut-être de faire autre chose? Oui, c'est minimum un quart d'heure. Ah, très bien, vous faites bien de me le dire. J'aurais préféré que vous me le disiez un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Ah ben non, ça sonne. Bonjour Christelle, à votre écoute. Bonjour Christelle, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL, Christelle. Est-ce que je peux avoir un responsable concernant une cliente, Stéphanie Van de Voorde, eh bien, qui n'est pas payée suite à un procès gagné? Est-ce que je pourrais avoir la direction, s'il vous plaît? Malheureusement, je n'ai pas du tout la possibilité de vous mettre en liaison de suite. Par contre, je peux éventuellement prendre le message et ma direction qui pourra contacter madame dans les plus brefs délais. Parce que là, ils ne sont pas là à Arras, la direction? Non, je n'ai pas du tout de la possibilité de vous mettre en relation. Et d'ailleurs, le permanent du magasin, malheureusement, ne peut en aucun cas connaître tous les dossiers en cours. Eh bien, on va appeler le siège, madame. Si à Arras, elle ne peut pas régler le problème, on passera par le siège. Oui, effectivement, pourquoi? Voilà, très bien. Mais ceci étant dit, il faut qu'elle fasse quoi? Parce que vous, Stéphanie, qu'avez-vous fait avec le magasin d'Arras jusqu'à présent? Parce qu'il faut aussi quand même qu'on sache, quand vous perdez un procès face à un client qui a eu des désagréments, elle fait comment la pauvre pour être payée? Alors, ce n'est pas nous qui gérons, ce n'est pas les magasins qui gérons, c'est le service juridique. Peut-être pouvez-vous me donner le numéro? Oui, donc vous faites le 03-21. D'accord. 28-80-80-80. Oui. Oula, il n'y en a pas un trop là? Attendez. 03-21-28-80-80-80 oui, c'est bien ça. Ah non, d'accord, très bien. Eh bien, ok. Eh bien, nous allons les appeler dans une seconde, madame, et je vous remercie mille fois de votre gentillesse et vous souhaite une bonne journée à Arras. Merci, vous également. Bonne c'est parti. Allez, nous allons appeler donc le service juridique. J'espère qu'ils sont au courant parce qu'ils ne se sont même pas déplacés. Ils ne se sont pas déplacés à l'audience. Ouais. Hein. Rien, ni devant. Mais oui, mais elle a signifié apparemment. Elle l'a signifié. Oui, elle a signifié la décision. Si elle a signifié la décision, ils sont au courant, maître Pellemer. Oui, elle a été signifiée à Arras. Hein. Oui. Mais Arras n'a pas. Je vous dis que c'est un problème de communication. Allô? Allô? Oui, bonjour, je suis au service juridique. Allô? Oui. Je suis chez Leroy Merlin? Ah non, vous êtes trompé, monsieur. Je ne suis pas chez Leroy Merlin. Ah. Je suis chez Castorama? Non, même pas. Je suis chez un particulier? Serve des liens à Hénin Beaumont. Ah, à Hénin Beaumont? Ah, il y a un film? Non, non. Ok, ben non, je me suis trompé alors. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Bonne journée. Au revoir et allez les bleus, hein. Vous n'oubliez pas ce soir. Elle a raccroché Julien. Mais madame nous a donné un numéro de trop. J'en suis sûr. Mais 01-03-21. Oui. 28-80-80, c'est celui que je viens de composer, Julien. D'accord, mais moi, je vous dis que c'est 03-28-80-80-80, il n'y a pas de 21. C'est sur ce qu'une heure, voilà, elle nous en a rajouté. Hein. Mais nous avions le même numéro de téléphone, Julien. Non, alors mon petit Alain, vous allez écouter ce que... Parce que vous n'écoutez rien, c'est votre problème et votre femme me l'a dit. Non, madame nous a donné deux chiffres de trop. Madame a dit 03-21-28-80-80-80 et sur votre fiche, vous aviez 03-28-80-80-80. Et Sarah a fait 03-21, ce qu'a dit la dame, donc elle n'a pas fait celui de la fiche. Ce que je veux dire, c'est que le 21 était évidemment de trop. Oui, le 21 était de trop. Il y en a un qui est trop dans l'équipe et il porte pas le 21, croyez-moi. Alors, est-ce qu'on a... Bonjour, un instant, merci. De rien, tout de suite. Alors, nous allons avoir le service. Vous me faites la petite alerte, s'il vous plaît. Allez, on plaisante, évidemment, mais il faut qu'on avance. Parce que combien vous êtes... Oui, allô? Ah, le service juridique? Non, vous êtes au standard. Ah, est-ce que je peux avoir le service juridique de Leroy Merlin? Oui, un instant. Merci. De rien. Mais bien sûr, bonne journée à vous aussi. Vous me faites la petite alerte? J'attends quand même une seconde, je veux que le cas... On va jusqu'au bout maintenant, ça vous le savez, c'est notre nouvelle marotte depuis maintenant quelques mois. Quand on commence un cas, on ne le lâche pas. Et pendant ce temps-là, s'il le faut, on appellera le président, mais on n'en est pas là. Ceci étant dit, un conseil pour tous ceux qui nous écoutent le temps que le roi aille chercher Merlin, maître Blanche de Grandvilliers, on est bien d'accord que si elle le voulait là, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors on ne le fait pas parce qu'on se dit ça va me coûter des sous en plus, mais on les récupère avec l'huissier. Ah bah oui, là elle va tout récupérer, et puis de toute façon, il faut que l'huissier il nous fixe le montant la créance, parce qu'elle a augmenté, elle a fait des petits la créance là, sans compter les frais de la signification, etc. Et si le roi Merlin ne paye pas, il y aura en plus tous les frais de la saisie qui sont minimum de 400 euros. Où en est-on, Hervé Pouchol? Parce que ça répond pour l'instant. Elle essaie de trouver quelqu'un au service juridique. Bah, sinon, elle nous passe carrément la direction. Hein. Je compte sur vous. On va attaquer en parallèle. Donc, vous inquiétez pas, Stéphanie, cas prioritaire. Maintenant, on les a. On va trouver la solution avant 11h, j'en suis persuadé. On va lancer le cas numéro 2 en parallèle. Ça sera le cas l'avocat de Françoise qui nous a dit ceci sur le répondeur de RTL dans le 9h30-11h. Lors d'un chantier chez moi, le technicien d'une entreprise a fait une fissure dans le mur de ma salle de bain. Il y en a pour 308 euros de réparation et l'entrepreneur n'est pas d'accord pour payer. Ça sera le cas numéro 2 et vous vous précipitez maintenant car c'est le dernier jour pour ce cadeau extraordinaire. Je parle d'une télé Samsung pour voir le match dès ce soir. 165 cm de diagonale. Le super Samsung aux écrans incurvés. 30 de 10, touche numéro 2 pour arriver au standard, puis touche numéro 1 pour donner la bonne réponse au SMS RTL au 74 900. Deux dossiers en parallèle. Nous attendons que le roi Merlin, service juridique, nous rappelle et nous explique pourquoi ils n'ont pas payé cette cliente qui a gagné un procès contre eux. Et nous lançons le deuxième. Et nous disons bien sûr, allez les bleus, en ce jour d'Euro qui démarre sur RTL. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, bah, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, les pneus Kléber et Uniroyal sont à 49,95€ seulement. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Brico-Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Fines herbes. Salade composée. Tondeuse thermique. Moteur puissant. 125 cm3. Large coupe. 46 cm. Récoupé. 209 euros. La qualité, le prix. Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. Tondeuse thermique tractée Enel. 125 cm3 avec moteur 4 temps Briggs & Stratton à seulement 209 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 10 juin dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico-Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. En ce moment, en magasin et sur Auchan.fr, les rosés sont à l'honneur. J'adore découvrir les saveurs de chaque région, les arômes des bandoles, le caractère des bordeaux, la belle robe des rosés de Provence. Par exemple, jusqu'à demain en magasin, pour l'achat d'une fontaine à vin de 3 litres de Coteau-Varois Cellier de la Grande Bleue, la seconde est offerte, soit 13,98€ les deux, au lieu de 27,96€. 13,98€ les 6 litres de rosé ? Auchan, la vie que j'aime. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis au Clé-sous-Bois dans le magasin de Philippe Marcon. Efficace la nouvelle promo? Largement. L'opération Grande Largeur, c'est jusqu'à 40% d'économie. Toutes nos largeurs de matelas 160, 180, 200 sont au prix du 140. Grande Largeur, sommeil meilleur, et c'est jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Élue meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Vos pieds sont fatigués, échauffés, en feu. Vite ! La solution, c'est le baume reposant aux plantes Aquiléine. Grâce à ses extraits de plantes, il est agréable comme une crème de beauté et incomparable pour retrouver des pieds légers et prêts à repartir. Pieds échauffés, fatigués, le baume reposant Aquiléine procure une sensation de délassement instantané et durable. Dès la première application, les pieds sont soulagés et rafraîchis. Baume reposant Aquiléine, en pharmacie et espace santé. Aquiléine. Nous, c'est le pied. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur le premier cas lancé il y a quelques instants, Hervé Pouchol, est-ce qu'il y a du nouveau avec Leroy Merlin, s'il vous plaît ? Je suis avec le service juridique de Leroy Merlin, je vous le passe. Bonjour le service juridique de Leroy Merlin. Bonjour, monsieur. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct. Ben, rien de difficile à vous expliquer. Je crois que le roi Merlin a perdu un procès contre Stéphanie Van de Voorde qui a attendu désespérément des fenêtres. Bon, elle a réagi, elle a été en justice, elle a gagné, elle a signifié le jugement à Arras et elle attend toujours le paiement et ça fait depuis maintenant quelques mois. Oui, alors ce que votre équipe est en train de nous expliquer, je demandais justement à votre collaborateur les éléments du dossier que nous puissions voir qu'il en est et faire exécuter. Bon, alors on vous donne le nom, regardez vite et puis on essaie de régler le problème. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion malheureusement, puisque à moins que vous ayez fait un appel, mais je ne crois pas. Parce que vous n'êtes même pas déplacé apparemment au tribunal, ce qui est votre droit. Il faut qu'on regarde. D'accord. C'est notamment que vous n'êtes pas forcément toujours au courant des dossiers qui sont en magasin. Côté direction juridique, mais on va faire tout notre possible. Mais surtout essayer de voir du côté d'Arras, puisqu'il a été signifié à Arras. Donc il y a forcément à la direction d'Arras quelqu'un qui sait qu'il y a eu ce procès, puisqu'un huissier est venu lui signifier le jugement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça ne remonte pas jusqu'à vous. Mais appelez-les, puis comme ça, on se rappelle dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Ah ben c'est super. Merci beaucoup, monsieur de Leroy Merlin. Vous vouliez dire quelque chose, Blanche? Oui, Julien, il n'y a pas d'appel possible dans ce genre de jugement parce que la somme est inférieure à 4 000 euros. Il ne peut y avoir qu'un pourvoi en cassation, mais pour faire le pourvoi, pour qu'il soit recevable, il faut payer la somme. Donc ils payent d'abord et ils discutent ensuite s'ils veulent. Allez, nous allons nous écouter avant d'attaquer le cas numéro 2, Mickey 3D. Mickey 3D qui a sorti une chanson, un titre où ça parle évidemment de foot, de coupe, de championnat d'Europe. Ça s'appelle C'est pas grave, une chanson pour l'équipe de France. Il l'avait écrit à l'occasion du dernier mondial, je crois. C'est une façon de parler foot puisque ce soir, vous le savez, il y a France-Roumanie. C'est pas grave. C'est pas grave. Que Ribéry soit pas joli, c'est pas grave. Que Benzema soit mal poli, c'est pas grave. Même si c'est la faute à Nasri, c'est pas grave. C'est pas grave. Si Valbuena fait du chiquet, c'est pas grave. Ou si Giroud tire à côté, c'est pas grave. Loris est là pour nous sauver, c'est pas grave. Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. Plus personne vous dira des saloperies comme ça. Vous aurez vos statues, peut-être même une rue portera votre nom. C'est pas grave. Si Koscielny n'y fait pénalty, c'est pas grave. Sur une erreur de Debuchy, c'est pas grave. Même si c'est la faute à Nasri, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu peux pas saquer Sako, c'est pas grave. T'iras faire la fête à Rio, c'est pas grave. Mais tu vas finir à Sochaux, c'est pas grave. Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. La France viendra danser sur les Champs-Élysées. Tout le monde sera content, surtout le président. On lui foutra la paix. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Même si Abidal est cramé, c'est pas grave. Même si Eva est fatiguée, c'est pas grave. Il y aura Kabaye et Matuidi, c'est pas grave. Et Pogba viendra les aider, allez. Si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. Plus personne vous dira des saloperies comme ça. Vous aurez vos statues, peut-être même une rue portera votre nom. Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. La France viendra danser sur les Champs-Élysées. Tout le monde sera content. Un avant-goût du France-Roumanie qui nous attend ce soir à 21h. Françoise est en ligne avec nous. Françoise, bonjour. Bonjour Julien, je suis ravie de vous entendre. Et moi donc, ma Françoise, elle n'est pas très très loin de nous, Françoise. Elle est dans le 16e, c'est ça ? Françoise, c'est gentil. J'adore vous parler comme ça. Oh, mais Françoise, je peux vous parler comme ça, mais dans pleines circonstances, si vous voulez, Françoise. Alors, Françoise, vous avez fait appel, en plus, à une société de miroiterie. Ça veut dire que vous avez des miroirs dans votre chambre, Françoise ? Un miroir dans ma salle de bain, un miroir grossissant avec une tablette. Ça, c'est ce qu'il me faut. Un miroir grossissant, ça ne peut pas me faire de mal. Et vous, surtout, vous commencerez par me regarder dans le miroir grossissant, ça vous éviterait de partir en courant. Ouais. Alors, vous avez fait appel à une société de miroiterie de salle de bain pour l'installation d'équipement. 690 euros. Oui. Et lors du chantier, il y a une petite fissure qui est faite par l'un des techniciens, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il vous dit dans ces cas-là? Il me dit qu'il n'a pas de peintre et qu'il faut que je voie avec mon peintre. Avec votre peintre. Donc vous faites faire un devis. Ça m'arrête rien du tout. Oui. Il suffit de repeindre par-dessus. Ah, très bien, sur la fissure. Et moi, c'est un petit studio, il refait tout neuf. Le peintre me dit, mais il y a une grosse fissure pour reboucher, pour repeindre. Est-ce que vous avez un haut-parleur? J'ai le haut-parleur. Ah, c'est pas bien ça, Françoise. Ah. Surtout que Sarah vous a dit il y a deux minutes, il faut pas mettre le haut-parleur. J'ai arrêté la radio. Mais oui, mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas dessert ou fromage. Ah, malheureusement, c'est les deux. Ah, mais là, on vise, là. On est vraiment, c'est le régime sec. Ni haut-parleur, ni radio. Donc, objectif, aujourd'hui, l'objectif est simple. Que l'entrepreneur assume ses responsabilités et paie les travaux pour la remise en état du mur. Et ça, c'est vrai que c'est une thématique. Allez-y. Il est venu, il a reconnu. Oui, je me doute. Sur place, le directeur. Bien sûr. Donc, ça fait partie des choses qu'on ne fait pas souvent dans l'émission, c'est-à-dire plusieurs corps de métier, mais l'un peut abîmer le travail de l'autre. Et dans ces cas-là, il y a un jeu de ping-pong, Maître Félonneau. Oui, alors il y a une assurance que prennent en général toutes les entreprises, les importantes, comme celle-là, qui a presque 2 millions de chiffres d'affaires. C'est une assurance de responsabilité civile, tout risque chantier. C'est-à-dire qu'on est assuré pour les blessures que l'on peut causer aux autres, les dégâts que l'on peut causer aux autres, et également les malfaçons que l'on peut faire. Allez, on va se retrouver pour lancer l'appel. Tenez-vous prête, Françoise. Faites un petit café en attendant, peut-être. Merci, d'accord. Oui, j'oblige les gens à boire du café, moi, depuis je ne sais pas pourquoi. Les gens doivent se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il a avec le café? Ça doit être la tisane. Un cousin du gringo. On se retrouve dans une seconde pour lancer l'appel à Françoise. Salut les Français. Vous rêvez de grands espaces, de paysages à couper le souffle? Direction le Canada. Que vous habitiez Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon ou Mulhouse, profitez des vols directs proposés par Air Transat à partir de 399€ TTC aller-retour. À vous les baleines, les villes festives, la douceur de vivre 100% canadienne. Offre soumise à conditions, réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se retrouver? Jusqu'au 20 juin, c'est les ventes privées chez Conforama. Et grâce à la carte Confo Plus, c'est l'occasion de profiter de remises exclusives allant jusqu'à moins 50%. Alors, c'est pas beau d'être un privilégié? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, voire conditions sur conforama.fr. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Hors vitamine et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Carrefour Market. Depuis que j'ai découvert le quinoa, le tofu, le boulgour, j'essaie plein de nouvelles recettes, mais j'ai pas toujours le temps. Mais simplifiez-vous le travail, Michel. Jusqu'au 12 juin chez Market, il y a 30% de remise immédiate sur une sélection de repas salés céréales bio. Avec vous, tout est si simple. Et c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. Décidément, vous êtes bio et intelligent. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Voir détails et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France grâce à vous, sur RTL, où nous réglons vos problèmes, nous essayons de négocier pour vous. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Allez les bleus, il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Céline Landreau. Bonjour Céline. Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est parti pour un mois de foot et de fête. L'Euro 2016 commence ce soir. Match d'ouverture entre la France et la Roumanie à 21h à Saint-Denis au Stade de France. Mais avant Saint-Denis, c'est à Bercy que tout se joue. Bonjour Sinamia. Bonjour. Vous êtes devant l'hôtel des Bleus au sud-est de Paris où l'équipe de France s'est retranchée pour préparer son match. Oui, un dernier camp de base où les joueurs de Didier Deschamps verront peut-être finalement un microscopique bout du ciel gris parisien dans quelques minutes. Ils viennent de finir leur petit déjeuner et entre les deux immeubles de ce grand hôtel de Bercy, quelques paravents ont été installés, des bouteilles d'eau sorties pour pouvoir leur permettre, sur un rouleau de pelouse artificielle, de faire leur réveil musculaire. Quelques étirements à l'abri des regards, au doux bruit et à la délicieuse odeur des gaz d'échappement sur les quais de Seine et qui ont été préférés à l'habituelle balade matinale dans un parc voisin. Question de sécurité, question de préserver le groupe aussi d'un mouvement de foule. Après cet échauffement matinal, les joueurs enchaîneront avec la traditionnelle séance vidéo, décryptage final de l'adversaire du soir, la Roumanie, puis déjeuner, sieste et causerie, tout cela bien sûr très encadré par la police, vous l'imaginez, avant un départ vers 18h30 pour le Stade de France, H-11, Céline, avant le coup d'envoi. Et on suivra ça, merci Sinamir. France-Roumanie, ce sera à vivre bien sûr en direct et en intégralité ce soir sur RTL. Match au Stade de France, donc Sina, vous le disiez, tous les supporters pourront s'y rendre. Le secrétaire d'État au transport promet d'assurer l'acheminement des spectateurs malgré la grève à la SNCF. Alain Vidalis n'exclut pas des réquisitions de conducteurs et prévient, il n'y aura pas de nouvelles négociations avec les cheminots. La grève qui continue aussi dans les centres de traitement des déchets, mais toutes les ordures seront ramassées dans la capitale, promet ce matin la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et puis autre action coup de poing de la CGT contre la loi travail, le dépôt total de l'Espinasse dans la banlieue toulousaine est bloqué depuis 4 heures ce matin, blocage qui ne durera pas, il devrait être levé vers 15 heures. Le début de l'Euro, c'est aussi ses premiers incidents entre supporters la nuit dernière à Marseille. Un Français et un Anglais sont ce matin en garde à vue. 10 jours après sa fermeture en raison des inondations, l'autoroute A10 a rouvert ce matin au nord d'Orléans. Le 31 mai dernier, quelques 300 véhicules s'étaient retrouvés piégés par les eaux sur un tronçon de plusieurs kilomètres. La Bourse de Paris a ouvert en légère baisse ce matin, moins 0,34%. Le CAC 40 s'établissait à 4390 points. Un mot du temps, avec cette alerte orange aux orages et inondations sur trois départements bretons, les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Un temps pluvieux et orageux, donc sur l'ouest qui va gagner l'intérieur des terres dans la journée. Ce sera plus sec sur l'est du pays, les températures cet après-midi. De 16 à 28 degrés de la Bretagne à la Méditerranée, comptez 23 degrés à Paris. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Les courses à Vincennes ce soir et en nocturne. Bernard Glass vous propose de jouer le 9, le 7, le 8, le 10, l'As, le 6, le 13 et le 14. 9, 7, 8, 10, As, 6, 13 et 14. Sa dernière minute, c'est le 6, Valet d'Annie. Il est 10h03, vous écoutez RTL et tout de suite, Julien Courbet revient pour la suite de Ça peut vous arriver. Merci beaucoup, jusqu'à 11h où nous vous retrouverons bien sûr pour d'autres infos. Alors évidemment, aujourd'hui nous sommes en bleu, certains se sont maquillés, ont le petit bleu blanc rouge gelé sur les joues, vous ouais. Également. Moi aussi. Sur les bajoues. Ouais. Tout le monde s'est maquillé. Qu'est-ce qu'il y a, Maître Félonneau? Oh là là. Vous êtes vraiment un très gentil petit camarade. Je suis taquin. Et puis il y a Blanche, le Grand Villiers, qui est avec nous. Et ce soir, chez les Grand Villiers, on va se border l'équipe de France. Allez les bleus, allez les fuchsias, allez les taupes. Car chez les Grand Villiers, on s'habille en taupe. On ne s'habille pas en bleu. Bon, enfin bref, on est heureux d'être avec vous. Et nous avons lancé des cas. Nous allons faire un petit point info, s'il vous plaît, pour que nos auditeurs de 10 heures sachent de quoi il s'agit ce matin. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons commencé avec l'histoire de Stéphanie, une histoire de fenêtre. Je paye pour la pose d'une fenêtre 2408 €. Cette fenêtre arrive, elle n'est pas aux bonnes dimensions. La grande surface doit soi-disant en recommander une autre, mais me ramène la même fenêtre. Cette grande surface est condamnée à me rembourser, mais cela fait des mois qu'elle ne réagit pas. Hervé Pouchol, nous avons appelé le roi Merlin qui a perdu son procès contre Stéphanie, qui lui doit des sous et qui ne paie pas. Le roi Merlin Arras, on nous a dit il n'y a pas de responsable aujourd'hui. Nous avons appelé le siège où nous sommes tombés sur un sympathique monsieur qui nous a dit écoutez, je ne suis pas au courant. Voilà, je vais être honnête avec vous, je ne suis absolument pas au courant ici au service juridique, bien que Arras nous ait dit tout remonte à Paris. Où en est-on ? Là maintenant, ils sont au courant, je peux vous assurer. Ça, la direction générale juridique est sur le dossier. On fait un premier point dans 25 petites minutes. Ça marche, et je n'ai qu'un mot à dire. Ce qui veut dire le roi Merlin pour réussir. C'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis plus de 20 ans. Parce qu'on a cette osmose. On se comprend sans se parler. Il y a un deuxième cas qui a été lancé, celui de Françoise. Voilà ce que nous a dit Françoise sur le répondeur RTL. Lors d'un chantier chez moi, le technicien d'une entreprise a fait une fissure dans le mur de ma salle de bain. Il y en a pour 308 euros de réparation et l'entrepreneur n'est pas d'accord pour payer. Françoise, nous allons lancer l'appel à l'entreprise dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Le temps de rappeler à tous ceux qui nous écoutent que c'est le dernier jour pour ce fantastique cadeau. Depuis lundi, nous vous offrons, écoutez bien, un téléviseur Samsung de 165 cm de diagonale avec écran incurvé, la Rolls de Samsung. Vous faites le 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, puis touche numéro 1. Ou alors SMS RTL au 74 900. Mais là, vous serez encore mieux que dans le stade en regardant ça. Ceci étant dit, ça vous coûtera moins cher, car quand on voit le prix des places, parce que moi je veux bien à un moment donné, mais qu'on dise que le football est un sport populaire, il est un sport populaire pour le peuple qui a de l'argent. Parce que des places, les bien placées, ça tape à 600-700. Mais même, alors on nous dit il y a des places à 25 euros, il y en a eu 10, il fallait vraiment bien connaître, déjà vous êtes très haut, mais ça pourquoi pas, mais c'est horriblement cher, c'est pas normal que ça soit aussi cher, je suis désolé. C'est pas normal, on peut pas vous emmener votre fils, donc un prix moyen, je crois que c'est 100-150, vous y allez avec moi. Et puis vous n'avez pas qu'un enfant en général, vous en avez plusieurs, vous avez une épouse aussi qui peut être intéressée. Oui, c'est vrai. On peut pas faire une soirée à 2000 euros. C'est fou, hein. Bon, c'est comme ça. En tout cas, là, grâce au Samsung, vous pourrez le regarder à la télé. L'appel est lancé dans une seconde après cette petite pause sur RTL, dans le 9h30-11h. Agnès ? Oui ? Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. La porte de garage automatique motorisée est à 398 euros. Et hop, tu la fermes. Comment ça, je la ferme ? Bah, la porte du garage, elle est automatique, donc hop, tu la fermes. Ah, la porte ! Oui. Je ferme la porte ! Bah voilà, quand même. Gédimat, matériaux et bricolage. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Pam pam pam pam. Tu l'as vu ? Où ? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche chez Darty, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30 euros, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Franck, t'es prêt pour aller faire les courses ? Ah oui, mais c'est pas un peu trop la perruque bleu-blanc-rouge ? Non, ça te va très bien. Papa, qu'est-ce que tu fais comme ça ? Eh ben aujourd'hui, si tu viens chez Carrefour habillé en supporter des bleus entre 14h et 20h, tu peux gagner un plein de courses par heure. Ceux qui seront pas en bleu, ils vont être verts. Aujourd'hui, entre 14h et 20h, venez habiller en supporter des bleus dans votre hypermarché Carrefour. Il y a un plein de courses à gagner par magasin et par heure. Carrefour, partenaire de l'équipe de France de football. Jeu avec obligation d'achat. Modalité et règlement sur carrefour.fr. Carrefour. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez, Christine a été suffisamment patiente. Nous appelons l'entreprise concernant l'artisan pour le dépannage de sa... Non, vous ne m'avez pas donné la bonne fiche, mon petit Alain Hazard, c'est pas grave. Françoise. Est-ce qu'il y a quand même un domaine où vous êtes compétent ? Parce que... Non, je demande. J'ai le droit de poser une question. Je sais bien qu'on est en plein euro, mais tout de même, les tacles assassins, Julien... Ah non, moi, je suis en train de vous former à Je vais mettre des protège-tibias. Allez, on appelle pour notre auditrice qui attend. C'est Françoise, nous appelons l'entreprise. C'est parti. Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre, c'est le cas. Apparemment, le directeur serait peut-être d'origine belge. Oui, on le suppute. On le suppute, car son nom est Vendepute. Oui. Avec deux T. Mais si, c'est un nom très, très courant en Belgique. Moi, j'avais une copine hollandaise, elle avait le même nom. Hein. Oui. Elle était à quel tarif, elle? Parce que je me méfie de vos copines hollandaises, vous. Est-ce que vous ne seriez pas tombé sur un monsieur, en fait, qui vous dit « Je vends deux putes !» Non, c'est pas la différence. Non, je sais pas, je pose des questions. Non, je suis pas client du tout. Ah bon, d'accord, mais ok. Alors, on attend que ça réponde. Nous sommes à Boulogne-Billancourt. Françoise attend que l'on vienne réparer les dégâts qu'un technicien a fait chez elle. Un troisième cave à... Oniris, bonjour. Bonjour, Oniris. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Puis-je avoir, s'il vous plaît, peut-être Monsieur Van de Pute ? Il n'est pas là. Alors, est-ce que je peux avoir un autre responsable concernant une cliente à vous, Françoise Hervy ? Oui, sauf que ce matin, là, il n'y a personne pour l'instant. Il faudrait rappeler d'ici à peu près une heure. D'ici une heure, ça va être un peu long puisque l'émission se termine à 11h et puis on ne va pas revenir dessus encore lundi. Est-ce que, enfin on peut, hein, ceci étant dit, est-ce que vous pouvez envoyer un petit texto soit à Monsieur Van de Pute, soit à quelqu'un d'autre ? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner un numéro et vous lui demandez s'il peut nous rappeler en urgence. Oui, attendez, je prends de quoi noter. C'est très gentil, mademoiselle. Vous donnez le numéro à cette dame. Françoise, vous attendez que ce monsieur nous rappelle quelques instants ? Oui, d'accord. Allez, je vous dis à tout de suite, Françoise. Merci, donc, merci. Ça fait deux dossiers. Il va y avoir un money time extraordinaire tout à l'heure avant 11h, puisqu'on aura le retour de Leroy Merlin. On aura également le retour d'Oniris. Mais ça se passe comme dans la vie, dans l'émission. Il n'y a pas de baguette magique. Ce que vous vivez, nous le vivons. Christine a fait appel à un dépanneur. Alors, c'est une spéciale aujourd'hui, vous l'avez compris. J'ai un problème avec un professionnel, comme il y a aussi des professionnels qui peuvent nous appeler en nous disant « J'ai des problèmes avec des clients qui ne me paient pas ». Je contacte un artisan pour le dépannage de ma porte de garage. Je paye 1200 euros. Puis la porte reste bloquée. L'artisan me dit qu'il va changer le moteur. Je l'attends toujours. Christine est en ligne avec nous. Christine, bonjour. Oui, bonjour. Alors Christine, l'objectif, il est simple. Visiblement, vous voulez qu'on vous rembourse 601 euros. 186 voilà. euros pour l'armoire de commande et 415 euros pour le moteur. Donc, si j'ai bien compris, Christine, vous avez payé combien pour la pose de cette porte de garage ? 1200 euros. D'accord. Deux jours après, elle se bloque, elle reste fermée. Il revient, il constate un problème de moteur, il parvient à ouvrir la porte et vous dit qu'il reviendra pour la réparer, mais il ne revient pas. Voilà. Et depuis le mois de janvier, la porte est ouverte. Voilà, depuis le mois de janvier, la porte est ouverte. Il ne répond plus au téléphone. Non. Chaque semaine, une fois dans la semaine, j'ai essayé de l'appeler. C'est toujours son répondeur qui répondait. Et aussi, j'ai ma sœur aussi qui a essayé de l'appeler. Pareil, il ne répond pas. Maître Felloneau. Alors effectivement, c'est bizarre qu'il ne réponde pas parce que il sait qu'il est soumis à une obligation de résultat, Julien. Donc la réparation doit être effective. S'il n'y arrive pas, eh bien, elle n'est pas gourmande. Elle demande juste qu'on lui rembourse les pièces les plus importantes, bien le sûr. Moteur qui doit être changé. Il y a eu une alerte. Christine, je vous mets de côté quelques instants. C'est une alerte Leroy Merlin. On va revenir sur le cas de Françoise, si vous le voulez bien, par rapport à sa miroiterie. La miroiterie, pardon, oui, je me suis trompé. Parce que la jeune fille que j'ai en ligne connaît parfaitement Françoise. Ah, bien, c'est parfait. Un détail important à vous raconter. Alors, allons-y. Madame Doniris, merci de nous parler. Donc, je rappelle à nos auditeurs que Françoise nous dit j'ai fait appel à une miroiterie pour la salle de bain, pour l'installation d'équipement. Elle a payé 690 euros. Elle a fait faire. Et il y aurait eu une fissure qui aurait été faite par l'un de vos techniciens. Voilà ce qu'elle nous dit, madame. Voilà. Alors, bon, en fait, une fissure, c'est-à-dire qu'on a posé une toute petite tablette en verre et que, effectivement, quand il a percé le mur, forcément, la peinture étant ancienne, ça a fait une petite fissure sous la tablette. Donc, mon responsable s'est déplacé, a constaté. Il a dit qu'il allait faire une petite retouche. Et après, Madame Hervy nous a envoyé un devis de la personne qui avait l'habitude ou qu'elle connaissait pour, effectivement, 380 euros pour juste une petite fissure sous une tablette. Donc, Monsieur Van Pute, quand il a reçu ça, a dit, je vais voir, moi, de mon côté, avec mon peintre, pour qu'il intervienne et que effectivement ça soit. Et donc effectivement on a reçu sa lettre recommandée parce que faut savoir que nous la période mai-juin on est foire de Paris donc bien sûr au niveau charge de travail c'est énorme. Et donc, on a contacté le peintre qui va faire ce qu'il faut pour... Alors, attendez, on va se mettre bien d'accord. Écoutez-moi, madame. Françoise, est-ce que vous êtes d'accord? Vous, ce qu'il faut, Françoise, c'est que le mur soit parfait. Voilà, oui, c'est tout. Oui, c'est ça, il est tout neuf, le mur. Françoise, si vous ne m'écoutez pas, Françoise, on ne va pas avancer. Qu'il soit neuf ou vieux, votre mur, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus de fissures. Il y en avait une, il ne doit plus y en avoir. Maintenant... Que ce soit leur technicien ou votre technicien, malheureusement, la loi ne vous donne pas le loisir de choisir le technicien. Donc laissez-les venir faire la réparation, puis on verra si c'est bien fait ou pas. Mais bien sûr, mais c'est parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de peintre que je me renseigne auprès de d'accord. mon peintre. Alors, c'est vous qui leur avez dit, madame, d'après Françoise, choisissez un peintre, on n'en a pas, parce qu'on en est occupé. En fait, au moment où elle nous l'a demandé, effectivement, oui. nos peintres, nous, ils sont occupés sur des chantiers de 4 à 5 semaines. C'est des gros chantiers. Oui, donc, mais madame, je sais bien qui mais donc, on peut pas raisonner comme ça. Si elle avait un peintre sous la main... Eh bien, elle en avait un. Elle vous a envoyé un devis. Oui, voilà. Mais bon, pour une fissure, c'est clair bon, que alors, on va madame, demander au nôtre. Non, c'est à vous maintenant, je crois, elle a été gentille. Vous lui avez demandé un peintre, elle vous l'a trouvé. Ce peintre ne vous convient pas. Donc maintenant, il faut en trouver un. Et madame, on ne peut pas dire, je ne peux pas venir réparer une fissure sous prétexte que mes peintres sont ailleurs. Parce que sinon, ça va être sans fin. Il faut toujours faire le cas qui a été commencé avant, à mon avis. Oui, non, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, bah alors, puisqu'on est justement, peintre. Nous, en train de voir pour libérer cette personne pour super. Qu'il puisse aller le faire. Donc, parce qu'en fait, il y en a pour pas très longtemps. Donc, bon, alors, il va passer quand à peu près? À la louche, hein. À la louche, je dirais avant la fin du mois, là. Avant la fin du mois, est-ce que ça peut vous aller, Françoise? Nous sommes le oui, 10. Oui, ça peut aller, mais c'est une fissure de 20 cm. Françoise, écoutez-moi. Françoise, oui. Je vais essayer de vous le redire avec d'autres mots parce que vous n'écoutez pas ce que je écoute, vous dis. Écoute. Il ne doit plus y avoir de fissure. Qu'elle fasse voilà. 20 cm, qu'elle fasse 2 cm, il ne doit plus y en avoir. Mais il faut leur faire confiance. Ça ne sert à rien de leur dire, elle fait 20 cm. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas revenir et dire, tiens, il y a 20 cm de fissure, on va en reboucher que 3. Histoire d'emmerder la Françoise. Mais bien sûr que non. Donc, ils doivent vous remettre le mur dans l'état, basta. Mais il faut leur faire confiance. D'accord. Et si c'est mal fait, on se permettra de les appeler. Elle est de bonne humeur, Françoise. Elle sent, elle va nous donner un pronostic pour... Surtout si vous êtes déguisé entre vous, j'adore. Alain Hazard, rédacteur en chef, voudrait parler. Oui, quand la partie adverse dit que c'est très rapide à faire, pas vraiment, parce qu'il faut quand même boucher le trou, mettre de l'enduit, poncer, c'est et ça. À peu non, près pour 2-3 heures. Ça, on l'a dit à Oniris, ça doit être refait, ils le savent. Si c'est mal refait, on les rappellera et on dira à Oniris, vous avez bâclé le travail. Et c'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est de dire qu'ils sont des gens sérieux et ils vont refaire, mais ils savent comment on rebouche, je suppose, une fissure. Donc, c'est sûr que si on met un petit coup de peinture comme ça et qu'on masque, non, ça reviendra et on les rappellera. Mais ils vont pas le faire, c'est des professionnels. On fait comme ça, Oniris ? Il n'y a pas de souci. Bon, madame, je compte vraiment sur vous en fin juin. Vous m'appelez Françoise, on se refait un point sur RTL. Oh, merci. 25 juin. Merci beaucoup. Gros bisous. Oh, gros bisous. Julien. Au revoir, merci ma Françoise. Merci, Oniris. Merci à Sarah, merci à Alain. Je vous en prie. Et Oniris, le 25 juin, on fait le point. Vous vouliez dire Blanche? Oui, juste quand même, Julien, qu'ils n'ont pas répondu à la lettre commandée. Ils n'avaient pas répondu à la lettre commandée de Françoise et ça fait quand même plus de 2 mois. Donc, c'est bien qu'ils s'engagent sur une date. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Apparemment, on reviendra sur la porte de garage avec Christine. Et cette porte qui, c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte que l'artisan ne vient plus. La porte est bloquée, il ne vient plus. Elle est dans une situation catastrophique. 32-10, touche numéro 2 pour le standard jeu, puis touche numéro 1, et vous pourrez peut-être gagner le Samsung de 165 cm de diagonale, ou bien SMS RTL au 74-900. Sens-tu, toi, auditeur d'RTL, la ferveur monter? Sens-tu que ton cœur devient bleu et que la France va soutenir les 11 gladiateurs qui ce soir joueront au Stade de France? Grâce à la carte Confo Plus, profitez des ventes privées Conforama. Mais il faut la carte, hein? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable jusqu'au 20 juin, voire conditions sur conforama.fr. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam oui. à 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité.

ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tout est pétale. Navy sur RTL, Christine, Christine et sa porte de garage infernale, voilà ce qu'elle nous a dit Christine. Je contacte un artisan pour le dépannage de ma porte de garage. Je paye 1200 euros, puis la porte reste bloquée. L'artisan me dit qu'il va changer le moteur. Je l'attends toujours. Et elle était en rythme, Christine. Ouais, je me demande, on essaiera d'ici la fin de l'émission s'il n'y a pas un concept. Tous les petits messages que vous nous laissez, on les met en musique derrière et on passe ça. On demande à David Guetta de les passer à Ibiza. On essaiera tout à l'heure. Christine, bonjour. Oui, bonjour Julien. On s'est déjà dit bonjour tout à l'heure, Christine. Oui. On a même raconté l'histoire. Oui. J'avais oublié. Donc, nous allons rappeler tout de suite l'entreprise. C'est parti, merci de faire le numéro. Nous allons essayer d'avoir quelqu'un maintenant pour cette porte de garage. On est inquiet parce qu'un artisan qui donne plus de nouvelles par expérience dans l'émission, en général, c'est qu'il y a de la fermeture dans l'air. Et s'il y avait de la fermeture dans l'air, Christine, là, malheureusement, vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Ah ouais. Oui, c'est une petite entreprise. Ouais. Il ne répond pas, ce monsieur. On va lancer des appels, hein, ne vous inquiétez pas. Mais... Energisat, veuillez laisser votre nom et votre numéro de donc téléphone, déjà, ainsi que la il n'annonce de votre pas que appel. C'est fermé. Non. Dès que possible, nous vous rappellerons. Je laisse un message. Oui, Energisat, monsieur Laurent Varocco. On prononce comme ça, Christine ? Oui, voilà. Monsieur oui. Varocco, je suis avec Christine Savoie. Vous lui avez posé une porte de garage qui ne marche pas. Et maintenant, la porte est bloquée, ouverte, et vous ne donnez plus de nouvelles. C'est ce qu'elle nous dit, en tout cas sur RTL. Donc, on voulait que vous nous le confirmiez. Et surtout, on voudrait savoir si votre entreprise existe toujours et si vous voulez bien venir réparer la porte d'une dame qui vous a quand même laissé un petit peu d'argent, 1200 euros. Donc, monsieur Varocco, Varocco Laurent à Anisy-le-Château. Varocco Laurent à Anisy-le-Château. La SARL Énergie SAT. Il y a merci de nous rappeler, on vous laisse le numéro. Donc, vous laissez le numéro. Sarah, s'il vous plaît, vous me faites le deuxième, si vous arrivez à faire les deux choses en même temps, ce qui serait formidable, car on a un deuxième numéro qui devrait sonner d'une seconde à l'autre. C'est terrible parce que des comportements comme celui-là poussent après les gens à ne plus choisir des petites entreprises, mais aller vers des... Parce que qu'on le veuille ou non, vous voyez, le roi Merlin, tout à l'heure, on a un souci. Mais vous êtes sûr, au bout du compte, oui. De gagner. Alors, c'est un message. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser je un lui relaisse message un message. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Laurent Varocco, bonjour. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur Varocco, Christine Savoie vient de nous raconter que vous ne lui donnez plus de nouvelles, que sa porte est bloquée et on a peur que l'entreprise soit fermée. On ne sait pas ce qui se passe, elle voudrait vraiment des nouvelles. Alors Monsieur Varocco d'Anisy-le-Château sur RTL ce matin, merci de nous rappeler au numéro que je vous laisse. Bon Christine, je pense que de toute façon il va falloir passer à la vitesse supérieure. Vous l'avez vu tout à l'heure Christine, pour Leroy Merlin, si vous avez entendu le cas avec les fenêtres, ça marche. Donc si jamais il est encore en place, tribunal de proximité. Oui, et il faut demander 1200 euros cette fois. Il ne faut pas se contenter des 600. Maintenant. C'est gratuit, Christine. Ça ne vous coûte rien. Sarah peut tout vous expliquer cet après-midi si vous le voulez. Vous n'avez rien à faire. Vous envoyez un courrier et tout se fait automatiquement. Nous, on va continuer à l'appeler. Mais n'hésitez pas à le faire. Ok, Christine ? D'accord, merci. Maintenant, beaucoup. S'il a fermé, Christine, ne rêvez pas, ça sera compliqué. D'ailleurs, exactement. Peut-être que d'autres clients peuvent nous donner des nouvelles et nous dire que tout va bien chez SARL Énergie SAT, Laurent Varocco à Anisy-le-Château. Mais pour l'instant, personne ne nous répond. De votre côté, Hervé Pouchol. Dans un instant, nous reviendrons sur le cas de Stéphanie et justement non, le Stéphanie, roi Merlin. Ça ne dit rien. Oui, voilà, le roi Merlin, c'est bien ça entendu. Que je m'entends. Je n'avais pas terminé ma phrase. Excusez-moi. Et vous aurez le directeur de le roi Merlin, Arras. Comment ça mal me parler celui-ci en fin d'année. Nous aurons le directeur d'Arras, ça c'est la bonne nouvelle pour le roi Merlin. Attention, les contrats n'ont pas été signés encore, Hervé Pouchon. C'est un conseil que je vous donne. Nous allons donc avoir des nouvelles, tout va bien, c'est génial. 3210, touche numéro 2 pour accéder au standard jeu. Puis touche numéro 1 pour gagner le Samsung, le roi de la télé. 4 fois supérieur. Vous verrez 165 cm de diagonale ou SMS RTL au 74-900. Électro, dépôt. Se faire plaisir avec un barbecue de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez Electro Dépôt, le barbecue électrique iWen garanti 2 ans, échange à neuf, est à 15,98€. Oui, 15,98€. Electro Dépôt, habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation de 16 centimes. Electro Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier.

c'est la Minute Info. Nous avons commencé avec Stéphanie et la pose d'une fenêtre. Je paye pour la pose d'une fenêtre 2 408 €. Cette fenêtre arrive, elle n'est pas aux bonnes dimensions. La grande surface doit soi-disant en recommander une autre, mais me ramène la même fenêtre. Cette grande surface est condamnée à me rembourser, mais cela fait des mois qu'elle ne réagit pas. À l'instant, vous venez de l'entendre. Non seulement le roi Merlin va payer, mais j'ai l'impression que ce monsieur veut aller plus loin dans la pose de fenêtre. En tout cas, la règle d'or, maître Félonneau, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, même si l'on a l'impression d'être le pot de terre contre le pot de fer. Elle a été au tribunal de proximité et elle a gagné. Elle a gagné non seulement le principal, mais des dommages et intérêts. Comme il s'agit d'un particulier, elle bénéficie d'un taux d'intérêt légal à 4%, ce qui est quand même cher. Et comme ils ont tardé à exécuter, maintenant c'est majoré de 5 points. Un taux d'intérêt à 9%, un placement comme ça, je le souhaite à tout le monde. Françoise fait appel à une société de miroiterie. Lors d'un chantier chez moi, le technicien d'une entreprise a fait une fissure dans le mur de ma salle de bain. Il y en a pour 308 € de réparation et l'entrepreneur n'est pas d'accord pour payer. Alors, voilà ce qui s'est passé en fait. Oniris a dit « on n'a pas de peintre, il faut en trouver un ». Il a dit ça à l'auditrice, qui en a trouvé un, qui envoie un devis. Et là, on lui dit, ah non, le devis est trop cher. Donc, nous avons appelé en lui disant, alors dans ces cas-là, prenez votre peintre. Oui, mais il n'est pas disponible. Donc, ils vont le rendre disponible et nous venons d'apprendre que le peintre viendrait quand ? La semaine prochaine. Voilà, ça, c'est une super nouvelle. Est-ce qu'elle est là, ma Françoise ? Non, elle n'est pas là. C'est pas grave. Elle est partie, malheureusement, se faire couler un thé et j'ai essayé de la rappeler. Fait peur. Non, mais ça va pas ou quoi ? On ne dit pas se faire couler un thé. Se faire un thé tout court. Se faire couler un thé. Mais ça va pas, Sarah. C'est vraiment parce que c'est la fin de l'année. Non, je vous promets que chez moi, on dit vraiment ça. Se faire couler un thé. Se faire couler un thé. Mais non. Que le thé provoque par la suite un écoulement, ça je ne dis pas, mais pas dès le départ. Bon, en tout cas, elle est contente, Françoise, ils viennent la semaine prochaine. Le troisième cas, c'est celui de Christine. Je contacte un artisan pour le dépannage de ma porte de garage. Je paye 1 200 €. Puis la porte reste bloquée. L'artisan me dit qu'il va changer le moteur. Je l'attends toujours. Eh bien, là, nous sommes inquiets, Blanche Grandvilliers, car nous avons appelé la SARL Energisat que Christine n'arrive plus à joindre. C'est pour ça qu'elle est passée par nous. Il ne donne aucune nouvelle. Nous espérons que Laurent Varocco, qui est à Anisy-le-Château dans le 02, nous répondra, parce que là, aucun numéro ne répond. Oui, et comme c'est une société à responsabilité limitée, Julien, même si on obtient un jugement contre elle, eh bien, on n'est pas du tout sûr d'être payé. Alors, comme on a beaucoup d'auditeurs dans le Nord, peut-être êtes-vous du côté d'Anisy-le-Château ? Pourriez-vous passer du côté de la rue Neuve pour voir aussi s'il y a quelqu'un, si c'est ouvert, si c'est fermé, qu'on puisse donner des nouvelles à notre auditrice, mais on ne lâche pas, Sarah est sur le coup. Le jeu, 3210, touche numéro 2, puis 1. Pour pouvoir gagner le téléviseur de 165 cm Samsung ou SMS RTL au 74 900. Je vous en réserve des cas et dans quelques instants, Michael est de retour. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande avec toute leur diversité sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Bernard, oui. Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. L'escabeau professionnel 5 marches garantie 10 ans est à 88 €. Et pour 1 € de plus, tu as un marche-pied 3 marches. 3 marches en plus ? Pour 1 € de plus ? Oh ben j'ai envie de dire ça roule. Non, t'as pas plutôt envie de dire ça marche. Gédimat, matériaux et bricolage. Les bons plans au champ ? C'est maintenant. Alors Tom, bientôt la fête des pères ? Oui, et je cherche un cadeau utile. Eh bien, jusqu'à mardi en magasin et sur Auchan.fr, le téléphone Wiko Rainbow Jam 4G, libre de toute offre opérateur, est à 99,90 € au lieu de 129,90 €. En plus, avec la carte Auchan, 20 € sont crédités sur votre compte Wahoo. Un smartphone 5 pouces 4G à ce prix-là ? Auchan, la vie que j'aime. Dont 1 centime d'éco-participation, kit main libre recommandé, DAS 0,249 watts par kilogramme, voire conditions magasin. Mais il va avancer, lui. Oh. C'est vert. Tiens, goûte ce Tanzanie noir. 75% de cacao, de Réauté chocolat. Mmh. Fabricant français. Oh, regarde le petit oiseau là. Piou piou. Découvrez-vous aussi l'effet Réauté chocolat avec 16 nouvelles tablettes à partir de 2,95€. Réauté chocolat, 51 magasins. Pour votre santé, bougez plus. Pam palam, pam palam. Tu l'as vu? Où? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche chez Darty, bénéficiez de 10€ offerts en carte cadeau par tranche de 100€ d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30€, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Soche présente. Eh, hey, tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non, mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah, oh, super! J'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Le bonheur en deux temps. Premier temps, vous allez gagner le téléviseur dans quelques instants. Deuxième temps, ce soir, 21h, France-Roumanie, c'est le démarrage de l'Euro. Et RTL, votre radio préférée sera là, le 9h30-11h aussi. D'ailleurs, dans quelques instants, Alain Hazard, le rédacteur en chef spécialiste de foot, fera ses premiers pronostics sur RTL. Mais alors, on va rigoler. On veut les vôtres aussi, Julien. It's bigger. It's bigger. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep. Losing My Religion sur RTL à 10h44. Alors, ce soir, l'Euro démarre et notre rédacteur en chef, figurez-vous, a un passé de journaliste football, puisque pendant des années, il a travaillé sur les plus grands médias où il a écrit pour le foot. Et puis après, ça a mal tourné pour lui dans la vie. Il est arrivé à venir travailler avec nous. Mais c'est vrai, ça a été un très grand journaliste de foot. Donc, chaque jour, il va remettre son titre en jeu, faire des pronostics que l'on vérifiera, évidemment, le lendemain. Donc, déjà, on aura maintenant lundi matin le résultat du pronostic de ce soir. Déjà, qui sera pour vous le meilleur Français ce soir? Paul Pogba, c'est Julien. Noté. Vous notez Paul Pogba. Quelle sera la tactique adoptée? Une tactique classique en 4-3-3, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. dont une sentinelle Kanté. D'accord. Et quel sera le score du match? 2-0, but de Giroud et but de, a priori, plutôt Payé. Voilà, donc il se mouille. Vous avez tout noté, je l'espère. Et lundi matin, nous allons voir si nous avons affaire à un dieu. C'est le nouveau poulpe, vous savez, qui fait... Ah oui. À propos de hasard poulpe, le poulpe. À propos de poulpe, et votre score, Julien? Moi, mon score? Oui, on verra lundi. Oh, mais mon score, je pense qu'on va en prendre un. Mais je pense qu'on va en mettre deux. Je dirais un bon 2. Hervé Pouchol? Moi, je dirais 3-0. Pour la Roumanie? Non, pour la France. D'accord. Allez, nous allons donc maintenant revenir à ce qui intéresse ceux qui nous écoutent chaque matin, qui nous soutiennent, la résolution de cas. Et rappelez-vous du cas de Michael. Michael, on avait appelé, je crois, 5-6 fois. Il avait acheté une maison en 2007. Un problème de tout à l'égout. Et en allant voir ce problème de tout à l'égout, on s'aperçoit, Maître Fellono, que sous la maison, il y a un énorme trou, c'est ça? Oui, exactement. Et donc, il dit à qui la faute? Il se retourne vers la mairie. Et la mairie dit, moi, je vais me retourner contre la fameuse Nantes des Eaux, oui. Puisque c'est eux qui avaient fait ce les branchements. Trou, oui, exactement, lors des branchements. Et personne ne voulait... Et qui sont chargés, pardon, du réseau des écoulements des eaux. Et on devait l'indemniser de 4500 euros. Nous avons eu la version du maire de Maignelay-Montigny, M. Denis Flour, qui nous confirmait l'action en justice, puisque la mairie a décidé d'attaquer la Nantes des Eaux. Et vous aviez conseillé à l'auditeur de se joindre à cette procédure. Certainement, parce que pour avoir gain de cause, il encore faut-il réclamer quelque chose devant un juge. Monsieur Rouchet, un des responsables de la Nantes des Eaux, nous avait dit qu'il suivrait la décision de justice. Depuis, il y a eu du nouveau. Oui, il nous avait dit, écoutez, c'est en justice pour la Nantes des Eaux. Si on perd, on paiera. Si on ne perd pas, eh bien on ne paiera pas. Mais est-ce qu'il y a eu du nouveau, Michael? Michael est en ligne. Oui, bonjour Julien. Racontez-moi, oui. Michael. Alors, bah, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, depuis nos différentes interventions avec Monsieur Rouchet, le directeur d'Avantes des Eaux, bah, il semblera que Monsieur Rouchet veuille trouver un protocole d'accord à l'amiable et qui reconnaît sa responsabilité dans le dossier. Sage est l'homme qui sait que de toute façon en justice ça risque d'être pas très lourd, bon, oui. Et qu'il va négocier avant, c'est la bonne nouvelle. Oui, Sarah. Alors plus concrètement, effectivement, j'ai un mail de Guillaume Rouchet, directeur général de la Nantes des Eaux, qui dit qu'effectivement ils vont déterminer donc le préjudice en fonction des différentes expertises et ils vont renvoyer eux-mêmes un expert. Le prochain point, c'est cet après-midi, donc semaine prochaine on aura du concret. Donc Michael, la semaine prochaine normalement on va pouvoir annoncer des choses concrètes sur RTL. Merci, quoi qu'il arrive. C'est vrai que des fois, on a des rapports tendus, c'est normal, on appelle, les gens ne sont pas contents, mais ils le savent bien, on n'est pas là pour les embêter, on est là pour faire en sorte que les choses se passent bien pour tout le monde. Donc merci à la Nantes des Eaux de nous avoir écoutés, de ne pas aller bêtement au tribunal et de se mettre autour d'une table et de voir qu'effectivement, ce trou, il n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Michael, je compte sur vous pour avoir des nouvelles la oui. semaine prochaine. D'accord. Michael, quel est votre pronostic pour ce soir, s'il vous plaît? Bah déjà, j'espère qu'on va gagner et j'ai envie de dire 3-0 pour la France. Très bien, Michael. J'aime ce genre de pronostic. Il s'est rallié à Hervé Pouchol, mais qui oui. est le seul à avoir dit 3-0 pour l'instant. Allez, on va se retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il ne reste, je vais parler maintenant comme les commentateurs de foot, que quelques secondes. Ginette se précipite sur le téléphone. Elle fait le 32-10. Oui, c'est bien joué. Elle rappuie sur la touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Et là, elle rappuie sur le... gagner le téléviseur Samsung 265 cm. A tout de suite sur RTL. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Salut! Aujourd'hui, comment prendre soin de ta Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors, c'est super simple. Tu vas sur Internet et tu tapes l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Sélectionne le point de vente le plus proche de chez toi, clique sur la date et l'horaire qui t'arrange et tu valides ton choix. Prenez rendez-vous ou faites réaliser un devis pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Bon, les gars, c'est une semaine historique. Si on veut accrocher ce record, va falloir donner le maximum. Ouais. C'est cette semaine ou jamais, je peux compter sur vous. Ouais. Je veux 24 mecs à fond, 24 champions. Mais coach, on est que 11. J'ai dit 24, je veux tout le monde, les remplaçants, même les arbitres. Semaine Euromillion My Million UEFA Euro 2016. Mardi 7 et vendredi 10 juin, pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Ah, les jardins au printemps. Moi, j'ai des envies de jardiner. C'est vrai, la nature se renouvelle, les couleurs explosent. Et oui, Stéphane, c'est le moment de jardiner. Et ça tombe bien. Jusqu'au 18 juin, c'est le grand jeu Tous au jardin chez Gamme Vert, avec plus de 50 000 euros de cadeaux à gagner. Gamme Vert, le goût du jardin. Jeu gratuit sans obligation d'achat, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Pure McCartney. Le nouveau best-of de Paul McCartney. Inclut Bend on the Run, Maybe I'm Amazed, Live and Let Die et près de 40 tubes. Pure McCartney, le nouveau best-of de Paul McCartney, avec RTL. Quelle est votre voiture idéale ? Il faut qu'elle ait des jantes qui claquent sa mère. Et vous ? Qu'elle soit connectée, tactile et avec le Bluetooth. Hashtag trop cool. L'hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris dynamique suréquipée est à partir de 139 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulier pour Yaris Dynamic 5 portes 69 VVT-i en location longue durée 37 mois 45 000 km, premier loyer 1750 euros, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. C'est un très beau bébé, madame. Mais c'est une fille ou un garçon ? Eh bien, c'est... C'est le retour de l'alerte discount spécial frais. Je dois filer. Aujourd'hui et demain, les tranches de poitrine de porc nature origine France sont à 3,29€ le kilo chez Netto. Quel heureux événement, cette alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Barquet de 1,080 kg environ. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Attention, 10h51, c'était la dernière chance de gagner. Ah, c'est la CGT qui revient. J'étais en train de regarder parce qu'on vient de mettre le petit clip de 9h30. C'est Marie qui l'a monté. Hein. Un petit clip, il doit être sur Facebook. Sur le Facebook, ça peut vous arriver. Il est également sur mon Facebook. Il est sur Twitter. On le rechantera peut-être tout à l'heure. Moi, ça y est, hein, dans ma rue, ça commence à sentir pas bon, je vous le dis tout de suite. Les poubelles, les poubelles que j'avais posées. En plus, hier soir, je me suis donné du mal. Hein, je suis descendu sortir les poubelles. Et bien, ce matin, c'était encore. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Mais là, on va rêver. Les amis, par l'un ou l'une d'entre vous va voir l'euro sur le plus bel écran du marché, le Samsung de 165 cm. Vous vous êtes inscrit. Voyons qui va gagner ce dernier téléviseur. Il y en avait un par jour depuis lundi. Merci, Samsung, de gâter nos auditeurs. C'est parti. Ça va sonner maintenant. Et nous allons voir chez qui nous tombons. J'ose même pas donner son prénom si jamais il répond pas. Oui, allô ? Point à la station ? Oui, allô ? Oui, papa 22, là, sur le grand ruban. Comment il va, monsieur Courbet ? Et vous, Jonathan ? Ah, on parlait le langage de Sibi. Ça, seuls les initiés le savent. Quand on se parle en Sibi et qu'on veut dire qu'il y a, par exemple, la police sur le bord de la route, eh bien, les routiers, grâce aux routiers, on entend qu'il y a des papas 22 sur le grand ruban. C'est toujours ça, Jonathan ? Non, c'est comme ça. Ah, c'est plus comme ça. Bon, c'était il y a 20 ans, ça. Et il y avait aussi une expression pour dire quand on doublait une voiture avec une nana qui avait une belle poitrine. Donc, qu'est-ce qu'on disait déjà à l'époque ? Qu'est-ce que je vous dites ? Je suis trop jeune pour. Ah oui. Vous l'avez cherché assez. Tu sais que l'écran de 160 cm, tu vas le recevoir, mais pas là où tu crois. Hein. Oh. Bon. Il est chauffeur routier, Jonathan. D'où ça ? Dans quel c'est département ? Dans le 72, Le Mans. Dites-moi la vérité. Vous aimez le foot ? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ah mais j'adore. Bon. J'adore le foot. Vive l'équipe de France. Hein. Vous allez regarder ça sur la télé Samsung de 165 cm. Avec merci. Écran et curvé. Merci à tous. Peut-être pas celui de ce soir, hein, ça va être compliqué, mais on va essayer de faire en sorte que vous voyez les dernières semaines. Quart de finale, demi-finale, finale, avec cet écran de 165 cm. Aucun problème, Julien. D'une valeur de 2000 euros. Merci de nous être fidèles, Jonathan. Merci. La bise à tous les amis routiers. Ciao, ciao. Merci. Allez, la France. Allez, la France. Oui, quel est votre pronostic, au fait, Jonathan ? Pour ce soir ? Ouais. Allez, 4-0. 4-0 pour la France. Allez, lui, c'est vraiment l'euphorie. Il vient de gagner un téléviseur. Alors, il a... 4-0 pour la France. Hein. Alors, je suis ravi en tout cas. Il y a eu un téléviseur Samsung à gagner tous les jours. Merci à Georges Benadi qui nous a permis de vous offrir ces magnifiques cadeaux. Et merci à Samsung pour ces téléviseurs d'exception. Hervé Pouchol. Dans le langage Chibi, il y avait également la boîte à images. Oui, ça, c'était, le, c'était le radar. C'était le flash. Nous avions Antonio. Antonio est passé lors des portes ouvertes de jeudi dernier. Donc, jeudi dernier, dois-je comprendre que c'était hier. Et Antonio a acheté un téléviseur Philips à 3 200 € à la Foire de Paris. Non, c'était la semaine d'avant. Il l'avait déballé, ce n'était pas le bon modèle. Le livreur appelle son supérieur. Ah oui, je me rappelle de cette histoire. Donc, il déballe, c'est pas le bon modèle. Et là, il dit au monsieur qui lui livre, monsieur, ce n'est pas le bon modèle, je vais être obligé de refuser votre téléviseur acheté à la Foire de Paris. Et là, le livreur lui dit, attendez, ne vous plaignez pas, c'est pas le bon modèle, mais bonne nouvelle, il est mieux que celui que vous avez acheté. Lui, il fait, ah bah non, c'est mon jour de chance. Mais je le garde. Mais oui, c'est ça, gardez-le. Il le garde et puis il se dit, je vais quand même aller voir sur Internet. Et il s'aperçoit que celui qu'on lui a livré vaut 1 200 € de moins que celui qu'il a acheté. Donc là, il a fait, il a poussé le cri que vous poussez tous dans ces cas-là. Et donc, nous avons appelé et nous avions trouvé un accord avec le monsieur qui semblait nous dire, écoutez, je vais arranger le problème. Où en êtes-vous, Antonio ? Oui, l'échange a été fait le vendredi. Parfait. Juste le lendemain, en fait. D'accord. Enfin, je pense qu'ils n'étaient pas très contents. Moi, quand on avait appelé, ils n'étaient pas très contents, mais ils ont trouvé logique quand même que vous ayez le bon téléviseur. Ils m'ont trouvé logique que j'ai le qui me livre le bon téléviseur et oui ils étaient pas très contents mais l'échange a été bien fait et dans de bonnes conditions. Mais vous leur avez expliqué que si vous êtes passé à la radio c'est parce qu'ils ne faisaient rien, c'est ça que doivent comprendre les gens que l'on appelle, c'est que bien sûr ils se sentent un peu quand on passe à la radio, oh non on parle de moi, on me fait une mauvaise pub, mais si on arrive à la radio c'est parce que on lui a juste livré un appareil qui vaut 1 000 € de moins. Et quand il appelle en disant « changez-le-moi », on lui dit non. Donc, à un moment donné, c'est comme ça qu'on en arrive à des situations pareilles. On lui dit pareilles. Non parce qu'il n'avait pas le carton d'origine. Bah ouais, mais tiens. Alors, je trouve que l'argument est un peu spécieux parce qu'ils, du coup, leur propre faute était oubliée et masquée par le fait d'avoir jeté le carton. Bon. Non, c'était un peu sévère pour le consommateur. Merci en tout cas à eux de l'avoir fait. Antonio, bonne chance. Quel est votre pronostic ce soir pour France-Roumanie ? Un petit 2-0 pour la France. 2-0. Il se rapproche du pronostic d'Alain Hazard. Bien, alors je rappelle qu'il y a l'Euro, le monde entier nous regarde et on va se remettre le petit clip de début que nous avons lancé, car vous ne le saviez peut-être pas si vous n'étiez pas là à 9h30, mais les Village People reviennent avec un nouveau titre. Ils ont repris YMCA, mais ils l'ont adapté à la situation que vit la France ce matin. Et ça donne ça. Ils ont bloqué l'euro. La CGT. Ils ont bloqué l'euro. La CGT. Hey, les trains qui n'avancent plus, les poubelles dans les rues, c'est le grand bordel. Ils ont bloqué l'euro. La CGT. Ils ont bloqué l'euro. La CGT. Et si la France gagne pas, et en plus y a des rats, ça sera la grosse fête. Allez les bleus. Écoutez, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, hein, quand non. même. Parce que non, vous savez ce qui m'inquiète, moi, c'est que les fanzones, on va faire très vite, les fanzones, pardon, c'est tous ces gobelets quand ils vont partir dans les rues. Si en plus il n'y a pas de poubelle, je peux vous dire que là, on va être vite envahi. Market. Depuis que j'ai découvert le quinoa, le tofu, le boulgour, je sais plein de nouvelles recettes, mais j'ai pas toujours le temps. Mais simplifiez-vous le travail, Michel. Jusqu'au 12 juin chez Market, il y a 30% de remise immédiate sur une sélection de repas salés céréales bio. Avec vous, tout est si simple. Et c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. Décidément, vous êtes bio et intelligent. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Voir détails et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, bougez plus. Hey, vous m'entendez ? C'est moi, l'oiseau du jardin. Waouh ! Je vole au-dessus des innovations concept alu. Véranda, extension, abri de piscine et même des pergolas. Et en ce moment, à des prix exceptionnels. Véranda concept alu, l'innovation, moi aussi j'en veux. Voir conditions dans les points de vente participants. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotappstore.com. Avec Maxime et sa femme qui observent des poissons. Bah, ils profitent de la mer avec leur nouveau kit masque et tuba sans de tribord. Masque très confortable avec jupe en silicone qui épouse parfaitement la forme de leur visage. Ah, je vous interromps là, mais Maxime se fait dépasser par un gros mérou, petite frayeur. Oui, c'est ce qu'on appelle une queue de poisson. Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le kit adulte masque et tuba sans de tribord à 7,99€ seulement. Decathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur decathlon.fr. Allez, rendez-vous ce soir à 19h pour Touche pas mon poste avant le match. Merci Blanche de Grandvilliers. À bientôt Julien. Merci Maître Féloneau. Ah, merci, merci à toutes les équipes, à vous Hervé Pouchol et à tous nos journalistes qui ont fait un boulot formidable. Lundi matin, on sera là à 9h30 et puis on redémarrera une semaine pour vous aider même si on sera au rythme des Bleus. What's the sense in sharing this one and only life? Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Dans quelques instants, Stéphane Bern, RTL 11h. L'information sur RTL, Céline Landreau. Rebonjour Céline. Rebonjour Julien, bonjour à tous. RTL Euro 2016. H-10 avant le début de l'Euro, coup d'envoi à 21h au Stade de France pour le match d'ouverture entre la France et la Roumanie. Les Bleus partent favoris, se savent attendus et ont à cœur de défendre leurs couleurs, comme l'explique le milieu de terrain Blaise Matuidi. On est fiers déjà d'être là, fiers de pouvoir représenter l'équipe de France avec tout ce qui s'est passé, tous les événements que la France a subi, aujourd'hui de pouvoir servir d'exemple et de pouvoir donner du bonheur voilà, à tout ce peuple français. Pour nous, c'est une grande fierté et on est excités, on est pressés d'y être. Blaise Matuidi avec Jérôme Milagou. Ce premier match, l'équipe de France va-t-elle le gagner? C'est l'objet de la question du jour. Vos pronostics sont attendus sur notre site rtl.fr et au 32-10 dès midi. Les Bleus qui sont en ce moment dans leur hôtel de Bercy à Paris doivent rejoindre le Stade de France en fin d'après-midi. Stade de France où vous êtes déjà, Raphaël Vantard. Et en attendant l'arrivée des footballeurs, ce sont les grévistes de la CGT qui se mêlent aux supporters pour faire passer leurs idées. Avec leurs gilets rouges et les drapeaux, cette trentaine de militants CGT se fond dans le petit flot de supporters qui commence doucement à arriver aux abords du Stade de France. Dans la bonne humeur, Franck, délégué syndical, donne des tracts aux supporters. Bonjour messieurs, dames, pour dénoncer le projet de l'OL Khomri, bonne journée à vous. Pour beaucoup de personnes, la situation sociale régresse en France, qui est la fête d'un côté, aller les bleus, je peux le comprendre pour certains, mais de l'autre côté, c'est pas aller les bleus, c'est aller la mobilisation et ensemble contre le projet de l'OL Khomri. À côté de cette petite manifestation, les camions de livraison poursuivent leurs allées et venues, les buvettes, les vendeurs de sandwichs se mettent en place, le Stade de France enfile petit à petit sa tenue de gala. Raphaël Vantard au Stade de France pour RTL. L'actualité, l'autre actualité forte de ce début juin, c'est bien sûr ce mouvement social. La grève contre la loi travail continue dans les centres de traitement des déchets. Mouvement également à la SNCF. 10e jour de perturbation ce vendredi et le gouvernement ferme la porte aux grévistes. Il n'y aura pas de nouvelles négociations, a expliqué ce matin Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, qui n'exclut pas de réquisitionner des conducteurs de train pendant l'euro. L'autoroute A10 a rouvert ce matin au nord d'Orléans. Le tronçon était fermé depuis 10 jours en raison des inondations. Et puis à l'étranger, le principal axe de ravitaillement de l'État islamique entre la Syrie et la Turquie est désormais coupé. Les forces de Daesh sont encerclées dans la ville de Minbej à la frontière turque. La météo avec cette vigilance orange toujours en cours sur la pointe bretonne. 3 départements sont concernés pour des risques d'orages et d'inondations. Il s'agit des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan. Un temps pluvieux et orageux sur l'ouest qui va gagner l'intérieur des terres dans la journée. C'est plus sec sur l'est du pays. Les températures cet après-midi de 16 à 28 degrés de la Bretagne à la Méditerranée, comptées à 23 dans la capitale. Les courses en nocturne ce soir à Vincennes et Bernard Glass vous propose de jouer le 9, le 7, le 8, le 10, l'As, le 6, le 13 et le 14. 9, 7, 8, 10, As, 6, 13 et 14. Sa dernière minute, c'est le 6, Valet d'Annie. Il est 11h et presque 4 minutes. Vous écoutez RTL et tout de suite, vous retrouvez Stéphane Bern pour À la bonne heure. Merci beaucoup, Céline Landreau. Naturellement, on vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Nous nous entrons dans À la bonne heure avec nos invités Tal, bonjour, et Kamel Wally. Bonjour. Bonjour. On va parler de ce qui va se passer à Versailles le 25 juin prochain. Et voilà, il replonge. Lui, il replonge oui. Et il a entraîné Tal. Dans quoi ? Dans les bassins de la Thône et dans les bosquets du parc, du château de Versailles. On va voir ce qui va se passer à l'Orangerie. On ne peut pas tout dire, hein, mais bon. On ne peut pas tout dire. Je n'ai pas encore complètement séduit Tal, hein, donc je ne suis pas sûr qu'elle me... Oh, c'est pas vrai. C'est le Jean-Jacques Goldman de la mise en scène. Oh, c'est beau. C'est un joli compliment. Alors, je vais vous présenter un petit camarade. Son carnet de balles, ce sont les journaux de la presse régionale qui lui permettent de nous donner des nouvelles de tout ce qui se passe près de chez vous. Adeline François. Bonjour à tous. Et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les villes où il y aura des matchs, vous savez, parce qu'il y a quelque chose qui commence ce soir. Oui. Là. Ah, mais c'est vrai. Quoi c'est, ça c'est pas l'euro. Mais il y a des matchs c'est et puis à côté, il y a plein d'histoires, vous allez voir. Bon, très bien. Vous, toute l'actualité de ce 10 juin, vous la retrouverez dans les Maillots Express de Régis Maillot. Bonjour.